je fus peut-être trop légère quelquefois, mais je n'ai de bonheur sur terre qu'avec toi. Pourquoi si j'aimais me distraire trop souvent, sans toi rien ne saurait me plaire. Chaque fois j'ai peur quand tu pars. Sans bouger tous nos jours, je ne pense qu'à notre amour. Si ta présence est tout pour moi, dis-moi pourquoi. Tristement, bien des fois, quand on vient m'offrir de sortir, je dis non. J'ai peur de savoir.